Dans ta lettre, t'es lesbienne, mais on n'a jamais vraiment su si elle couchait avec maman ou bien préférait sa jument. Et bon papa revenu de la guerre, d'une balle en plein vent, qu'il avait chopé par derrière dans sa fuite désertaire. Les secrets de famille, ça ne se dit pas. Les secrets de famille, ça ne se raconte pas. Les secrets de famille, qu'on ne dit pas aux petites filles. Les secrets à la con, qu'on ne dit pas aux petits garçons. Tantane a couché avec l'ennemi, faisait ça pour la mère patrie. Elle y mettait du cœur à l'ouvrage, bien que n'ayant que peu de courage. Paraît que grand-mère aurait tué 3-4 maris et 5 amants. De belles familles, de belles fortunes, pas par amour mais pour la thune. Les secrets de famille, ça ne se dit pas. Les secrets de famille, ça ne se raconte pas. Les secrets de famille, qu'on ne dit pas aux petites filles. Les secrets à la con, qu'on dit pas aux petits garçons. Ça ne se dit pas. Les secrets de famille, ça ne se raconte pas. Les secrets de famille, qu'on ne dit pas aux petites filles. Les secrets à la con, qu'on dit pas aux petits garçons. Secret de famille. Les secrets de famille. Les secrets de famille. Ça se chuchote dans les cuisines.